charmée par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République Dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Et alors, tous les samedis 14h. Aujourd'hui à l'émission Le Grain de Sable d'Ata Québec, nous aurons une entrevue avec l'économiste Yannick Marcil sur le néolibéralisme, l'éditorial de Claude Vaillancourt sur le partenariat transpacifique et la chronique Europe de Cédric Leterme. Le Grain de Sable d'Ata Québec. Alors, bien le bonjour, c'est Valérie Blouin qui est avec vous pour cette nouvelle édition du Grain de Sable d'Ata Québec en ce magnifique et ensoleillé 4 mai 2013. Je rappelle que le Grain de Sable est un magazine socio-économique d'ici et d'ailleurs, et je profite de l'occasion pour saluer Michèle Monette qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais rassurez-vous, elle sera de retour la semaine prochaine. Alors cette semaine, nous allons nous entretenir avec Yannick Marcil, économiste, sur une notion très utilisée, et on va chercher à connaître le sens réel. Donc, et ensuite suivra l'éditorial de Claude Vaillancourt, président d'Ata Québec, sur le partenariat pacifiste. En deuxième partie d'émission, Cédric Leterme nous présentera sa chronique Europe en direct de la Belgique. Mais d'abord, on écoute la chanson El Neoliberalismo de Léo Masla. Donc, c'est un poète, musicien, humoriste, écrivain du pays de l'Uruguay, donc pays d'Amérique du Sud, situé au sud du Brésil et à l'est de l'Argentine. Alors, on l'écoute. Un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad, que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor que consten actas, que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación, una es su señoría, que la sociedad funcione, y la otra usted perdone, si al decirlo se me pianta un Pokémon. Pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte, y quien lo cuente como método de vida, puede que hable por Florida, pero no por Argentina o Uruguay. El neoliberalismo, desde su mismo bautismo, o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado contra el hombre no rentable, que si no era tan amable de morirse solo, él siempre lo ayudó. El neoliberalato tiene cuerda para rato, y con ella anuda el moño del regalo de la globalización. Nuevo y último retoño de la trinidad profana, que en relevo de la otra invade, miente, afana, mata y establece su ritual de adoración con un nuevo calendario que en vez de los santos tiene las fechas de vencimiento estipuladas en las cartas de intención, que no explican la intención de lo que dicen, porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo señor. Este culto que se expande como un gigantesco glande, en lugar de fecundar, esteriliza todo lo que alrededor le sostenga la importancia, algo que no dé ganancia, y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos, convirtiéndolos en terminales de un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias, y las tienen porque alguien se las vendió. Liberalismo se libera a sí mismo de las trabas que le ponen los estados, que una vez estatuyó, y las nuevas condiciones se estatuyen, estatismos no estatales, son quitismos como el de la estatua de la libertad. El neoliberalismo se contempla a sí mismo como aquel de la leyenda que se ahogó en el agua que lo reflejó, pero hay una componenda, la división del trabajo, da que no se hunda el majo, sino cualquier otro que ni figuró. De este modo se expresaba un fiscal que presentaba en un juzgado los cargos contra la patota neoliberal. Pero el juez que estaba a cargo dio todo por anulado, dijo que estaba implicado en el caso este mismo señor fiscal, porque acababa el Estado de quedar privatizado y él solo era otro cesante. Y si algo tenía para reclamar, que llamara en adelante y en un tono más paciente al servicio de atención al cliente, bien dispuesto a guardar en línea hasta que la primera ave de rapiña disponible con suerte lo fuera a escuchar. Alors, vous venez d'entendre la chanson de El Neoliberalismo avec donc le chanteur Leo Machila. Et voilà, c'est le sujet de notre prochaine chronique. Alors, j'ai avec moi au bout du fil Monsieur Yannick Marcil. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Et oui, alors merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Ah ben excellent, on est bien content de savoir ça. Et cette semaine, nous avons proposé de définir une notion largement utilisée, mais dont plusieurs ne connaissent sans doute pas le sens véritable, la notion de néolibéralisme. Alors, si on recule d'abord dans le temps, à quel moment cette notion, ou en tout cas ce concept, est apparu? Bien, il faut distinguer deux usages du mot. Il y en a un qui n'est plus utilisé, en fait, c'est-à-dire que dans les années 30, on a voulu parler d'un néolibéralisme, c'est-à-dire d'un renouveau du libéralisme au sens très classique du terme. Mais celui dont il est question ce midi, c'est-à-dire celui dont on parle quotidiennement, le néolibéralisme vu comme des politiques très à droite, est né à peu près dans les années 70, donc en réaction au keynésianisme, autrement dit, au développement de l'État-providence. Donc on peut dire là que ça fait une quarantaine d'années là que ce terme ou cette idéologie est connue. Alors la notion du néolibéralisme, donc ça fait 40 ans que ça existe dans le fond. Est-ce que ça a toujours eu le même sens? Est-ce qu'en fait on peut donner une définition simple du mot néolibéralisme? Il y a un problème majeur avec ce terme-là, c'est qu'il est souvent utilisé comme une espèce de parapluie ou un fourre-tout dans lequel on met tout. Et quand je dis « on », je parle particulièrement d'un discours militant de gauche. On regroupe sous ce terme-là à peu près tout ce qu'on n'aime pas. Alors que c'est une pensée, c'est une philosophie qui existe, mais qui est multiforme, qui est très complexe. Pour le dire rapidement, là, moi, ce que je préfère comme définition là, du néolibéralisme, c'est de dire que c'est une vision de la société qui n'est qu'atomisée, c'est-à-dire où on considère que la société, ça n'est qu'un regroupement d'individus libres et indépendants. En ce sens, le néolibéralisme, c'est une vision extrême du libéralisme classique. Et en ce sens-là aussi, ça s'oppose en quelque sorte à une vision qui serait davantage holiste, globale, macro, que la gauche peut porter. Et peut-être que la meilleure définition qu'on peut en faire, en fait, c'est de recourir à Madame Thatcher, qui disait que la société n'existait pas. Pour elle, la société n'existait pas, il n'y avait que des individus. Le néolibéralisme, c'est un peu cela, c'est se reposer uniquement sur le fait que, sur l'individualité humaine. Ah, quand même, oui, c'est assez complexe, en effet, comme définition. Mais, oui, un peu. Mais c'est ça, donc c'est un petit peu individu versus globalité, là, si je comprends bien. Exact. OK. Puis, c'est ça, j'avais envie de vous citer, on va parler un petit peu plus tard de Mme Thatcher, mais pour l'instant, j'aimerais vous citer un extrait d'un article du journal Le Devoir, donc « Faire de la ville un jardin ». Donc, ça l'a paru samedi dernier, vous l'avez peut-être lu. Et l'article, c'est de l'anthropologue Katia Neves, en tout cas, je ne sais pas si je la prononce bien, mais alors je cite « Le néolibéralisme prévoit que lorsqu'il y a un problème, le marché offre une solution. Le problème, c'est qu'on présume qu'il y aura toujours une solution technologique à nos problèmes ou qu'il y aura toujours un intérêt économique potentiel dans chaque besoin qui se présente, ce qui est faux. » Alors, fin de la citation. Oui. Monsieur Marcil, est-ce que néolibéralisme et capitalisme sont synonymes? Non, pas du tout. Pas du tout. Le capitalisme est né doucement au 18e siècle, concurremment, bien sûr, de façon coexistante avec le libéralisme, au sens très classique du terme, celui d'Adam Smith, là, le père identifié du libéralisme. Le néolibéralisme, ou l'idéologie néolibérale, si on veut l'utiliser de façon très forte, à mon sens, comporte un des éléments de la citation dont vous venez parler, c'est-à-dire la marchandisation de tout. Hein, tout devient une marchandise, tout se transforme en rapport marchand. Donc, en ce sens-là, on développe quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus, exhaustif, c'est-à-dire qui touche l'ensemble des rapports humains que ne le voyait un Adam Smith ou un David Hume, par exemple. Donc, le néolibéralisme, c'est pousser à outrance cette logique de la marchandisation qui s'appuie aussi sur l'individualisme dont j'ai parlé un peu plus tôt, mais aussi sur la rationalité ou la rationalisation, ou c'est-à-dire que tout devient management. Hein? Mm-hmm. Je reviens, on va reparler encore de Mme Thatcher, évidemment, mais je reviens un peu à cette idéologie de Reagan, de Thatcher, où ce qu'on a appelé le New Public Management, donc la nouvelle gestion publique, où l'État est vu comme un acteur comme les autres, qui doit être géré avec efficacité. Donc, cette espèce d'idéologie du management qui est partout présent, où on oublie le social, où on oublie le politique, parce qu'on met de l'avant uniquement la rationalité du management et la marchandisation dont vous parlez dans la citation de l'article du Devoir. Donc, c'est cette coïncidence, en quelque sorte, entre l'individualisme à outrance dont je parlais, la marchandisation de tout et la rationalité de la gestion, donc l'espèce de management, d'un ultra-management en quelque sorte, qui caractérise de façon un peu plus globale cette idéologie, car c'est d'abord une idéologie. Hein. C'est pas la description d'un système comme l'est le capitalisme, qui est une forme d'organisation de la société, mais c'est une idéologie d'abord politique et morale qui est mise en place. Alors, dans le capitalisme, donc, c'est ça, c'est vraiment une forme de néolibéralisme. Le néolibéralisme est une façon de voir le capitalisme. On pourrait voir un capitalisme de façon tout à fait différente. Donc, le néolibéralisme, c'est voir ce capitalisme de façon extrême. OK, oui, d'accord. Capitalisme extrême. On peut, oui. On est beaucoup dans les sports extrêmes. Il y a beaucoup de choses extrêmes dans notre société. Alors, j'aimerais aussi parler aussi, donc, par rapport au socialisme. Hein, oui. Ça a été un mot, on dirait que c'est un mot tabou, le mot que le Parti néo-démocrate a cru bon de retirer de son programme. Alors, lors de son récent congrès, est-ce que le socialisme est l'antithèse du néolibéralisme? Ça dépend de quel socialisme dont on parle, ou on pourrait même dire ça dépend de quelle gauche dont on parle. Ah bon? Dans le sens suivant, j'ai lu récemment, et là je vais faire mon autopromotion, là je fais une recension tous les dimanches dans le Huffington Post d'essais politiques et économiques, et je vais en parler demain. J'ai lu donc récemment le dernier ouvrage, du philosophe français Jean-Claude Michéa, qui s'appelle « Les mystères de la gauche », où lui dit « la gauche n'est plus à gauche ». Et je pense que il parle du cas français, mais je pense que ça peut s'appliquer très, très bien au cas canadien, donc au NPD. C'est-à-dire qu'on refuse même l'étiquette de socialisme parce que c'est trop connoté et que des partis à tendance ou à étiquette, à tout le moins socialiste ou de gauche, dans le fond, recourent aux mêmes logiques que le néolibéralisme. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont, mais ils recourent à la même logique de marchandisation, de progrès, de croissance économique, etc. Donc, il pourrait y avoir une gauche ou un socialisme à la condition sine qua non, et c'est un peu le message de Jean-Claude Michéa, que ce socialisme ou cette gauche-là présente une critique radicale du capitalisme et donc, par conséquence, en quelque sorte, du néolibéralisme. Or, c'est pas, à mon sens, c'est pas vraiment le cas de la plupart des partis dits de gauche présentement, que ce soit au Canada, au Québec ou en Europe. Donc, on pourrait peut-être justement en parler, justement, de nos gouvernements ici. On entend dire que les libéraux de Jean Charest et même maintenant le Parti québécois de Pauline Marois, ce sont des gouvernements néolibéraux. Donc, c'est un petit peu ça ce que vous nous dites aujourd'hui. Oui et non. C'est-à-dire que moi-même, j'ai un peu du mal avec ça dans le sens suivant. C'est que, encore, comme je le disais d'entrée de jeu, néolibéral est un terme qui est présenté un peu comme une espèce d'épouvantail. Donc, on veut on veut garger des roches à quelqu'un. On dit, ah, t'es un inuit libéral. Puis, de l'autre côté, il nous garge des roches en disant, ah, t'es un anarchiste. Vous comprenez, à un moment donné, ça devient des caricatures un peu complètement réductrices et qui n'amènent rien au débat. En revanche, je pense que si on s'en tient au cas québécois, le Parti québécois et le Parti libéral, oui, ils ont des différences. Oui, ils voient les politiques publiques de manière différente, mais ils adhèrent tout de même au même à la même logique, comme je le disais, du progrès économique, de la croissance à tout prix, de l'individu vu comme une espèce d'entrepreneur de lui-même, etc. Donc, les visions philosophiques fondamentales de ces idéologies politiques-là participent de la même famille, font partie de la même famille idéologique, en quelque sorte. Ils s'en distinguent après ça sur les moyens qui sont plus ou moins différents, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, mais fondamentalement, ils participent de la même logique capitaliste, en quelque sorte. Alors, si on va maintenant du côté du gouvernement fédéral, c'est un gouvernement néolibéral, je suppose? Ben, le gouvernement Harper est davantage cohérent. Hein? On ne peut pas reprocher à Stephen Harper de ne pas être cohérent et de ne pas livrer la marchandise qu'il a promis de livrer. C'est un adepte d'une vision effectivement néolibérale à la Thatcher. C'est un conservateur au sens non pas de son étiquette, le nom de son parti, mais bien de la philosophie de pensée conservatrice, donc au plan moral notamment. Mais oui, sa vision du monde, donc sa vision de la société, c'est une vision où c'est l'individu qui prime sur la communauté et cet individu doit en quelque sorte être le moteur de la croissance, de l'évolution de la société et non pas des structures sociales ou communautaires qui dans lesquelles on s'identifierait. Alors, dans ce sens-là, oui, il répond assez bien aux trois critères que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Et maintenant, donc c'est ça, j'aimerais qu'on parle de Mme Thatcher. Donc, Mme Thatcher est décédée le 8 avril dernier à Londres. Alors, lorsque Mme Thatcher donc est décédée, les médias ont rappelé son rôle clé que cette dame a joué dans les transformations profondes que l'économie de son pays a subies. Donc, la politique qu'elle appliquait était du néolibéralisme à l'état pur, n'est-ce pas? Ben, c'est à la limite, on pourrait dire que c'est elle et ses compagnons idéologiques qui ont inventé cette idéologie-là. Hein. Qu'on connaît sous cette forme-là là, aujourd'hui. Exactement. Donc, avec, par exemple, Milton Friedman, le célèbre économiste de l'Université de Chicago, qui était son maître à penser, en quelque sorte, avec Friedrich Hayek, ce sont eux qui ont mis en place cette idéologie-là et qui ont réformé de façon fondamentale, notamment dans son cas l'Angleterre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est d'abord une idéologie politique. C'est d'abord une philosophie politique, bien plus qu'une philosophie ou une théorie économique. C'est quand Thatcher, je le répète, disait la société n'existe pas, il n'y a que des individus, mais c'est une vision du monde, c'est une vision philosophique de la sociale, du phénomène humain qu'elle met de l'avant. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que si on veut critiquer la théorie ou l'idéologie néolibérale, ben, il faut la critiquer sur ses bases philosophiques, en quelque sorte. Ça a l'air très théorique, mais en quelque part, c'est ça qui est important. C'est de voir c'est quoi notre vision du monde? C'est quoi notre vision de l'humain? Est-ce que c'est une somme d'individus qui, par les hasards de l'histoire, sont regroupés sur un même territoire et partagent une même langue? Ou au contraire, c'est un ensemble, c'est une communauté qui évolue ensemble, qui a des projets communs et qui se bâtit des institutions ou des modes d'organisation collectivement de manière à évoluer dans le temps. Alors, cette distinction est fondamentale. Alors, ce que vous venez de dire l'an dernier, là, c'est cette philosophie plus collective, on peut la retrouver dans quelle idéologie? Bien, à mon sens, on la retrouve dans plusieurs visions du monde. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le communautarisme en philosophie politique. Charles Taylor, le grand philosophe québécois, en est un des représentants les plus prestigieux et les plus intéressants. Un socialisme, comme je le disais tout à l'heure, là, en me référant à Michéa, qui voit vraiment qui a une vision de la société qui critique cette vision atomiste, individualiste à outrance, pourrait le porter. Mais je pense que présentement, à peu près partout dans le monde, on est très, très loin de ça. On est très loin de cette vision critique-là, parce que même la gauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, a intériorisé cette vision du monde où la croissance économique, où l'individu porteur de son propre destin, où le management vu comme une espèce de seconde religion, est accepté aussi par la gauche. Et donc, on est loin de cette vision critique du système économique qu'on connaît. Alors, est-ce qu'il y aurait des solutions par rapport à ça? Est-ce que peut-être, si en terminant, on recommandait quelques lectures relativement faciles sur la notion de néolibéralisme, pardon, et ses effets sur nos sociétés, sur nos sociétés, nos vies, est-ce que ça pourrait aider à changer un peu la philosophie? Oui, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment avoir un esprit critique sur le système économique dans lequel on vit. Cela étant, il y a plusieurs auteurs qui ont réfléchi dans les dernières années sur cette notion de néolibéralisme. Je sais que vous allez mettre les références un peu plus tard, oui. Mais il y a Serge Autier, Pierre Dardot et Christian Laval notamment, qui ont, et plus spécifiquement le premier, le Serge Autier, qui a publié l'année passée un livre qui s'appelle Néolibéralisme, une archéologie intellectuelle, qui démontre vraiment la complexité de cette pensée-là. Mais j'inviterais aussi vos auditeurs à réfléchir aux racines même du libéralisme classique. Et en ce sens, il y a un petit livre qui date un peu, mais qui est toujours aussi d'actualité, de Pierre Manant, qui s'appelle « Histoire intellectuelle du libéralisme », qui nous remet en perspective un peu cette vision du monde libéral dont le néolibéralisme se dit l'héritier, mais qui en fait est fort différente. Donc, pour pouvoir un peu replacer la critique du système économique dans une vision politique un peu plus large. Alors, merci beaucoup Yannick Marcille. C'est toujours très passionnant et intéressant de vous entendre et de vous écouter. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Alors, je rappelle aux auditeurs que M. Marcille est économiste et vous pouvez le suivre sur son blog Punkonomie, sur son site et également au journal Voir.ca. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, c'est le moment de l'éditorial du président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Aujourd'hui, il nous parle de partenariat transpacifique. Alors, je vous invite à l'écouter à l'instant. Le Canada s'est engagé dans la négociation de plusieurs accords commerciaux, dont le plus connu est celui avec l'Union européenne. Mais ses ambitions libre-échangistes ne s'arrêtent pas là. Il s'est lancé dans un autre accord tout aussi important, le Partenariat Transpacifique, ou PTP. Le Canada renoue donc avec les accords commerciaux multilatéraux. Depuis le blocage de la grande zone de libre-échange des Amériques et des négociations entreprises à l'Organisation mondiale du commerce, notre pays négociait de façon plus retenue, en favorisant les accords bilatéraux. On sent maintenant le besoin de relancer le libre-échange à grande échelle en accélérant le processus. Le PTP se négocie entre 10 pays de la zone du Pacifique, les États-Unis, le Mexique, le Pérou, le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et le Japon. La population totale de ces pays est de 658 millions d'habitants. 15 séries de négociations ont eu lieu avant que le Canada décide d'en faire partie. La condition de son admission? Eh bien, il devait accepter en bloc tout ce qui avait été négocié auparavant. Mais qu'est-ce qu'on retrouve au juste dans ces négociations? Mystère. Le PTP reprend cette triste tradition de cacher son contenu derrière le plus grand secret. Mais comme dans les autres accords commerciaux, des fuites ont permis d'en révéler le contenu. Et cette fois, une fois de plus, cet accord n'a rien pour nous rassurer. On retrouve dans le PTP tout ce qui caractérise la nouvelle génération des accords commerciaux. Par exemple, une prolongation des brevets pour les compagnies de médicaments de marque qui fera hausser considérablement le budget de la santé. Un chapitre sur la protection des investissements qui permettra aux compagnies de poursuivre les États si ceux-ci adoptent des lois qui ne leur conviennent pas. Une volonté de déréglementer des secteurs tels les services, le commerce électronique, les télécommunications et de diminuer les mesures sanitaires, une ouverture des marchés publics à la concurrence étrangère, un affaiblissement des monopoles d'État. On parle très peu du PTP. Pourtant, on nous dit que les négociations avancent vite et qu'elles pourraient se conclure d'ici la fin de l'année. Cet accord de libre-échange soulève de vives oppositions. Aux États-Unis, par exemple, l'organisation Public Citizen fait sa campagne sur le fait que le PTP est un nouvel outil pour renforcer le pouvoir des 1% les plus riches et qui va permettre aux grandes compagnies de délocaliser leurs entreprises encore plus facilement. Les Néo-Zélandais, eux, s'inquiètent que le PPP puisse nuire à une agence gouvernementale qui s'appelle Pharmac et qui permet d'obtenir des médicaments à bas coût. Le PTP soulève aussi de vives oppositions au Pérou, au Chili, en Malaisie par exemple. Mais qu'en est-il au Canada? La récente entrée de notre pays dans les négociations n'a pas permis d'attirer suffisamment l'attention sur ce nouvel accord. De plus, l'accord commercial avec l'Union européenne, presque conclu, a attiré davantage l'attention et a nécessité beaucoup d'énergie de la part des opposants. Mais il ne faut surtout pas négliger de suivre de près ce nouvel accord gigantesque. D'abord parce qu'il va avoir de nombreuses conséquences négatives sur notre organisation sociale et nos choix de société. Et ensuite parce que ce qui sera négocié dans cet accord va se retrouver dans tous les autres accords négociés par le Canada. En effet, une clause qui s'appelle la clause de la nation la plus favorisée fait qu'un pays lié par un accord commercial est en droit de demander tout ce qu'un autre pays a obtenu auparavant. Notre entrée tardive dans le PTP a fait que nous avons un important retard dans sa compréhension. Mais nous pouvons profiter du travail de nombreux groupes de citoyens, de citoyennes qui s'opposent depuis le début et qui ont accumulé d'importantes informations à son sujet. Encore une bataille de plus, dites-vous. La mondialisation néolibérale a hélas de multiples tentacules. On ne peut pas se permettre d'en négliger aucune. Alors, vous venez d'entendre M. Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, au sujet de ces, justement, de ces accords-là transpacifiques. Alors, je vous invite à surveiller le bulletin d'Attaque Québec et de surveiller nos activités en ce sens-là. On vous tiendra au courant sur les développements au sujet de cela. Et maintenant, c'est l'heure d'une petite pause publicitaire et ensuite, on revient avec la chronique de Cédric Leterme, chronique Europe. Et aujourd'hui, ce sera au niveau des politiques d'austérité en Europe. Alors, je vous dis à tout de suite. Alors, est-ce que monsieur a choisi? Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît. Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto au cèpe, le feuilleté de légumes... Ah non, excusez-moi. La bisque de homard, la poutine au foie gras... Excusez-moi. La salade d'artichaut... Mais... Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout? Ouais. Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoir.ca. Après 2 années et demie de tournée, parcouru plus de 150 000 km et offert près de 200 concerts, la formation Isabeau et les chercheurs d'or fait sa grande rentrée à Québec. Je ne veux plus te chasser de mon... Le vendredi 31 mai au théâtre Petit Champlain, le groupe offrira le dernier concert de sa tournée à l'endroit même où elle a commencé. Isabeau et les chercheurs d'or, de retour à Québec, une soirée inoubliable avec plusieurs artistes invités. C'est un rendez-vous le vendredi 31 mai au Théâtre Petit Champlain. Une présentation de CKRL. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est et au Dorsey, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. CKRL est à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveau Cru les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. Informez-vous à programmation à commercialckrl.qc.ca ou téléphonez au 88 640 25 75 poste 210. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. L'accroche-oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. We see. Alors, nous sommes de retour avec l'émission Le Grain de Sable, Valérie Blouin au micro jusqu'à 13h. Et sur les ondes de CKRL 89.1, n'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site, donc www.ckrl.qc.ca. Merci beaucoup de nous soutenir, comme vous l'avez déjà fait au Radioton en avril dernier. Et voilà, seulement $25 pour devenir membre. Alors aujourd'hui, c'est la chronique de Cédric Leterme en direct de la Belgique. Bonjour Cédric. Bonjour Valérie. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, tout à fait. Alors, Cédric, tu voulais nous expliquer aujourd'hui comment de soi-disant erreurs ont inspiré les politiques d'austérité qui ravagent actuellement l'Europe. Alors, vas-y, explique-nous ça un petit peu plus en détail. Oui, il s'agit en fait de deux événements distincts, mais qui ont fait pas mal de bruit ici à quelques mois d'intervalle, et dont la conclusion était à peu près à chaque fois la même. C'est qu'en gros, l'austérité qui nous a infligé ici depuis un bon moment et dont on ne voit pas le bout, serait en fait tout simplement le fruit d'erreurs de calcul. Une erreur de calcul, comment ça? Oui, donc c'est assez particulier. La première fois, en fait, c'était donc il y a quelques mois, au mois de janvier, pour être exact. C'est l'économiste en chef du Fonds monétaire international, qui n'est pas n'importe qui avait fait une sortie assez remarquée à l'époque en affirmant que dans les calculs que l'organisation avait fait et qui devait anticiper les conséquences sur la croissance des politiques d'austérité, donc de réduction des dépenses publiques, ses collègues avaient utilisé un multiplicateur trop faible. Alors, un multiplicateur, en fait, c'est, on sait bien que quand on réduit les dépenses publiques, ça, il va y avoir un impact sur la croissance, et le multiplicateur désigne la proportion de cet impact-là. Et en fait, ils avaient utilisé un multiplicateur de 1, et il s'est révélé que dans la pratique, le multiplicateur était de 2. Donc, c'est-à-dire que, en fait, la croissance s'est contractée deux fois plus que ce qu'ils avaient prévu suite aux réductions de dépenses qu'ils avaient préconisées. Donc, ça a minimisé, en fait, les conséquences de l'austérité avec des conséquences évidemment dramatiques pour l'Europe. Oui, tout à fait. Mais donc, ça, c'est la première erreur, si je comprends bien. Et la deuxième erreur. Et la deuxième, maintenant? Et alors, la deuxième, ça, c'est encore plus récemment et c'est encore plus incroyable, en fait. C'est cette fois une étude qui a été extrêmement influente, qui a été réalisée par un économiste de Harvard. Donc, de nouveau, c'est pas n'importe qui. Et en fait, dans cette étude-là, l'économiste en question défendait la thèse que à partir du moment où la dette publique d'un État dépasse la barre des 90% de son produit intérieur brut, de son PIB, il s'ensuit inévitablement une récession. Et donc, il utilisait preuve à l'appui avec différents pays pour lesquels c'est arrivé, et il montrait qu'à chaque fois, effectivement, dès que ça dépasse les 90%, pouf, il y a récession. Alors évidemment, ça, de nouveau, c'est du pain béni pour ceux qui prônent l'austérité, donc particulièrement en Europe. Les différents acteurs, dirigeants européens se sont empressés d'utiliser cette étude-là comme argument pour dire, ben regardez, on est obligé, même si c'est douloureux, de pratiquer une austérité drastique, puisque de toute façon, si on laisse les dettes aller au-delà, ce sera inévitablement la récession. Donc, autant le faire. Le problème, c'est qu'il y a d'autres chercheurs, en fait, c'est des jeunes doctorants qui ont voulu reproduire l'étude en question, qui se sont un petit peu penchés sur la façon dont le monsieur avait réalisé son étude, et ils se sont aperçus qu'elle était, en fait, bourrée de fautes, mais alors particulièrement grossières, quoi. Et le problème, c'est que ces fautes-là modifiaient radicalement les conclusions de l'étude. Alors, juste pour donner un exemple qui nous concerne ici en Belgique, le cas de la Belgique, justement, avait été retiré des calculs, il n'était pas dedans, alors il a prétendu que c'était une erreur d'encodage Excel, et oups, le cas de la Belgique n'était pas dedans, mais le problème, c'est qu'en Belgique, ça fait plusieurs années que la dette publique dépasse allègrement les 90% de PIB, et qu'il n'y a pas de récession qui s'ensuit, au contraire, la Belgique affiche une légère croissance, même durant cette période-là. Donc il y a eu 2-3 résultats comme ça qui n'étaient pas pris en compte et qui faussaient de nouveau l'étude dans le sens des conclusions qui étaient poursuivies, qui étaient de dire qu'il faut absolument pratiquer l'austérité, parce que si on laisse dériver trop les déficits publics, la récession s'ensuit. Donc il y a évidemment de nouveau un gros malaise qui séjourne suite à cette révélation-là. Pour l'anecdote d'ailleurs, le scandale sur cette étude est sorti à peu près au moment où une tribune était signée par 5 gros dirigeants et économistes européens dans le New York Times, et dans lequel il citait l'étude pour justifier justement la stratégie qui est poursuivie en Europe. Et au même moment, on apprenait qu'en fait, l'étude était grossièrement falsifiée. Donc ça a de nouveau fait un assez gros couac, et de nouveau, il y a l'idée qui se fait jour que l'austérité, en fait, serait peut-être juste une erreur, quoi. Quand même, non mais vraiment, l'austérité fruit d'une erreur de calcul, mais ça paraît quand même incroyable, non? Oui, ça paraît effectivement un peu incroyable, mais ça paraît en fait tellement incroyable qu'on a beaucoup de mal à le croire. C'est relativement peu crédible que ce soit le cas. Non, c'est ça. C'est-à-dire que les gens devaient sûrement être au courant, je sais pas, ou... Voilà, il y a quelque chose quand même d'assez bizarre, puisque, bon, il faut quand même être honnête, on a suffisamment de preuves théoriques et historiques au-delà de ces deux études-là pour savoir qu'une austérité généralisée en période de crise, ça ne conduit qu'à la catastrophe, pour les raisons qu'on a d'ailleurs déjà expliquées en long et en large à l'émission, et que d'autres personnes ont expliquées aussi beaucoup mieux que nous d'ailleurs. Mais donc, c'est connu, on le sait depuis au moins la crise de 1929, et l'explication qui en avait été donnée à l'époque par un certain John Keynes. Alors, le fait que ces analyses-là aient été systématiquement occultées depuis le début de la crise ici en Europe, au profit d'une stratégie qui, elle, s'est révélée fausse et désastreuse partout où elle a été appliquée, c'est-à-dire une stratégie de réduction forcée des déficits et de réformes néolibérales, on a vu ce que ça a donné en Amérique latine, on a vu ce que ça a donné en Afrique. Donc, le fait de quand même poursuivre, malgré toutes ces leçons-là de l'histoire, c'est impossible que ça relève d'une simple erreur. Ou alors on est vraiment dirigé par des imbéciles, je vois pas d'autres mots, et ça paraît quand même difficile à croire, ou en tout cas à une échelle aussi vaste, quoi. Qu'il y en ait quelques-uns dans le tas, d'accord, mais qu'ils soient tous complètement stupides, c'est quand même difficile à croire. Et d'ailleurs, on observera que dans les deux cas d'erreur que j'ai expliqué, les révélations sur le fait qu'il y avait eu erreur, etc., n'ont absolument entraîné aucune modification substantielle de la stratégie poursuivie. C'est-à-dire, on dit oui, bon, effectivement, on s'est appuyé sur cette étude-là et que c'est révélé faute, mais on continue dans le même sens. Donc ça laisse quand même, ça tend à laisser croire que le fait que cette stratégie-là marche ou pas est finalement pas tellement le critère pertinent pour décider de la poursuivre, quoi. Mais vrai. Mais alors comment expliquer cet entêtement là, donc de ces dirigeants-là à utiliser cette stratégie qui, forcément, comme tu viens de nous le démontrer, ben, ne fonctionne pas? Oui, ben alors ici, bon, la réponse un peu simple, ça consisterait à se demander pour qui cette stratégie ne fonctionne pas, en fait. Quand on dit elle ne fonctionne pas, est-ce qu'elle ne fonctionne pas pour tout le monde? Et bon, directement, on voit que, évidemment, les choix qui ont été posés jusqu'à présent, ils servent en fait certains intérêts bien bien clairs au détriment d'autres. Alors pour faire simple, en gros, ça sert la finance au détriment des peuples. C'est-à-dire, on dit il faut tout rembourser rubis sur l'ongle et on saignera le corps social tant qu'il faut pour que les banquiers récupèrent jusqu'au dernier euro. Ça paraît évident qui est servi par cette stratégie-là. Du coup, ce choix-là ne fait finalement que refléter le rapport de force actuel en Europe entre la finance et les sociétés. Et donc, les erreurs, entre guillemets, qu'on a évoquées, dans ce cadre-là, ben, c'est simplement des façons plus ou moins maladroites de défendre, finalement, assez cyniquement, une politique qui ne se fait qu'au bénéfice des banquiers. Donc on utilise telle étude, si elle se révèle fausse, on étudiera une autre, sachant très bien que ce qui n'est pas important, c'est la véracité de l'étude, c'est simplement la politique qu'elle permet de justifier. Alors, il y a probablement un petit peu de ça, mais le problème, c'est qu'il y a un hic dans ce raisonnement-là, donc il n'y a pas que ça, en fait. Alors, ce fameux hic de raisonnement, dans ce raisonnement, alors tu vas nous en parler au retour de cette chanson. Alors, je propose d'écouter Trio, donc un groupe français qui fait de la musique engagée, d'inspiration reggae, avec la chanson Pompe Afrique, qui tombe très bien, je trouve, avec le sujet de ta chronique aujourd'hui. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. Aux prédateurs tentaculaires, aux boulimies monopolistes, aux technocrates mercenaires, quand la finance a ses artistes, aux terrains de jeu au soleil, aux chaises longues pour politique, Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf, se servent sur la pompe Afrique. Bolo Poli, Bolo Réseau, Bolloré voyage au Congo, Bolloré crée son arsenal, rejoint la cour du général. Bolocratie, Bolo la pieuvre, regarde les devises qui pleuvent, quand Bolo se roule à tarpée, il ouvre une usine OCB. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous, j'ai toujours su seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. En colo en Angola, je connais tous les moniteurs, richissimes archi-corrupteurs. Y'a des armées, des œuvres qui méritent qu'on leur tienne compagnie. Nous on fait la guerre en musique, on fait chanter la République. France-Afrique, l'Immaculée, intérêt pétro-meurtrier. Pendant que l'Angola se viole, nous on fait l'amour dans le pétrole. Guinée, Togo, Bissau, Biafra, on est mouillé jusqu'au Rwanda. On a dopé vos dictateurs. Vous voyez que la France a du cœur. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. Si on écoulait notre vache folle sur le marché du Nigeria, à 2 francs le kilo, c'est du bol, je pourrais partir au Bahama. Mon banquier me trouve un peu mal, mon compte a besoin de soleil. Faut que je trouve un paradis fiscal où me détendre les orteils. Paradis, refuge planétaire, pour portefeuille de mercenaires, pour autres pilleurs de l'Afrique, ou pour fumier démocratique. Elles ont belle gueule nos colonies. Bizarre, elle s'est fait griller. Il faut balancer la politique africaine de l'Elysée. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. Alors, vous venez d'entendre Trio, un groupe français, avec la chanson Pompe Afrique. De retour au grain de sable, je suis en compagnie de Cédric Leterme, avec qui, on abordait les politiques d'austérité en Europe. Et Cédric, tu nous parlais d'un problème de raisonnement. Donc, où est le hic? Oui, c'est ça. Mais donc, en fait, je disais effectivement qu'on pouvait, interpréter les soi-disant erreurs en disant qu'en fait, c'est pas des erreurs, c'est une stratégie délibérée pour servir certains intérêts. On essaye de les maquiller avec les études qu'on peut. Et si elles se révèlent fausses, on trouvera une autre justification. Le hic dans ce raisonnement-là, en fait, c'est évidemment, c'est une stratégie qui fonctionne bien à court terme. En tout cas, pour l'intérêt de la finance à court terme, effectivement, on peut se dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une certaine logique. Mais le problème, c'est qu'à long terme, ça voue cette même finance à une mort certaine, tout simplement parce que, bon, il y a deux solutions. Soit elle va épuiser de manière irrémédiable le corps social dont elle se nourrit, soit elle va finir, et ça peut aller, c'est une conséquence de la première solution, soit elle va finir par susciter la révolte de ce même corps social. Et là aussi, on a des exemples historiques qui sont extrêmement nombreux. On peut penser à tout ce qui s'est passé en termes de révolte en Amérique latine au début des années 2000, précisément suite à ces décennies d'austérité imposée qui ne fonctionnaient pas. Du coup, en voyant ça, on peut se dire que la thèse de l'erreur redevient quelque peu crédible, puisque à partir de ces expériences historiques, on comprend assez mal pourquoi les dirigeants actuels persévèrent dans une attitude qui, certes, à court terme peut les servir, mais à long terme est profondément vouée à l'échec, comme ça s'est vu encore et encore. Notez d'ailleurs que c'est un raisonnement qu'on peut étendre à d'autres cas de figure, notamment sur la question environnementale. On sait bien qu'à long terme, continuer comme on le fait actuellement, c'est voué à l'échec, mais tout le monde le fait quand même. Ceci dit, donc on peut dire que c'est une erreur, mais c'est une erreur d'un type assez particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement une erreur de bonne foi de gens qui raisonnent et qui bon, se sont vus soumettre une étude et y ont cru de bonne foi. Pas plus qu'il ne s'agirait d'une manipulation strictement cynique. C'est en fait plutôt un mécanisme social par lequel les hommes auraient tendance à commettre les erreurs qui les arrangent, en fait. Et pour le dire autrement, et en reprenant un constat qui a déjà été fait à de nombreuses reprises, puisque la science économique tient plus de l'idéologie que de la science, en tant qu'homme politique, vous allez toujours trouver un économiste pour vous conforter dans vos idées préconstruites et pour vous donner finalement les résultats que vous avez envie d'entendre et pour justifier les politiques que vous avez envie de mener. Le fait que ces théories-là sont plus ou moins en accord avec la réalité, finalement, c'est une question seconde. Et en Europe, pour l'instant, c'est l'Allemagne qui mène la danse. C'est l'Allemagne qui impose ses préférences. Et en Allemagne, il existe un consensus extrêmement fort pour des raisons historiques qu'on n'a pas le temps de développer, mais autour de l'idée de discipline fiscale, de rigueur budgétaire, d'orthodoxie monétaire et budgétaire. Et donc, c'est cette politique-là qui est défendue, c'est ce principe fondamental-là qui est défendu envers et contre tout, peu importe que la réalité l'infirme ou qu'il y ait finalement des débats théoriques derrière. C'est ce principe-là qui va être défendu puisque l'Allemagne met tout son poids derrière. Et donc, éventuellement, les échecs de cette politique-là vont être attribués à des éléments extérieurs, manque de rigueur dans l'application des politiques demandées, par exemple, ou alors ils sont justifiés hein, au nom d'une embellie qui devrait venir après avoir passé un mauvais moment. Donc, pour en revenir à la question des soi-disant erreurs, le fait de savoir si c'est vraiment des erreurs de bonne foi ou s'il s'agit d'erreurs délibérées, de manipulation, etc., c'est finalement opposer deux positions tout aussi simplistes sur la question, puisque le vrai enjeu, c'est comme je disais, l'enjeu du rapport de force qui sous-tend ces débats scientifiques-là et qui fait que certaines thèses, malgré leur faible vraisemblance, malgré leur faible adéquation avec la réalité, vont systématiquement avoir plus d'écho que d'autres. Et c'est une question qui s'adresse évidemment autant, voire plus, aux médias et aux politiciens qui véhiculent ces théories-là plutôt qu'aux académiciens qui les formulent finalement. Alors, c'est sûr que l'austérité, les politiques d'austérité, les médias en ont parlé beaucoup, en ont fait, en tout cas, pas la promotion, mais en ont vraiment beaucoup parlé. Mais l'austérité, est-ce qu'elle est de plus en plus critiquée ou... Oui, oui et non, en fait. C'est vrai que, bon, suite à ces deux scandales-là, et c'est vrai que la résonance que ces scandales ont eu, que ces questions-là ont eu, ces soi-disant erreurs, montre qu'il y a quand même un début de craquement dans le consensus autour de l'austérité, et pour cause, hein, l'Europe s'enfonce année après année dans la récession, et on commence à se dire que, bon, effectivement, ça ne fonctionne pas. Cela dit, c'est toujours pareil, ce n'est pas tellement le principe de l'austérité qui est contesté que son intensité. Et donc, ça rejoint, en fait, une position qui est défendu maintenant depuis 2-3 années sur un mode assez schizophrénique d'ailleurs par le Fonds monétaire international, et les États-Unis aussi soutiennent cette position-là puisqu'ils craignent en fait que une austérité trop sévère en Europe ne l'enfonce dans la récession comme c'est le cas et finisse par affecter l'ensemble de l'économie mondiale. Et donc évidemment leur problème c'est que face à ça ils ne disent pas qu'il ne faut pas faire d'erreur, qu'il faut remettre en question le fait de rembourser les dettes et d'assainir les finances publiques, mais ils exigent de le faire plus lentement. Donc il faut ralentir la cadence, laisser quand même un petit peu d'air à l'économie, etc. Et donc ils essayent de demander à trouver un équilibre entre relance et rigueur. Quand je dis que c'est schizophrénique de la part du Fonds monétaire international, non seulement au vu de son histoire récente et de l'austérité monstrueuse qu'il a imposée, c'est un peu drôle de le voir... prendre ses distances maintenant, mais surtout dans l'immédiat, au niveau de ce qu'ils demandent, on peut difficilement faire de la relance et de la rigueur à la fois. C'est tout simplement antinomique. Donc demander l'un et l'autre, ça ne fonctionne pas. Et on voit d'ailleurs assez mal, étant donné l'ampleur du surendettement public mais privé aussi, il faut le rappeler, parce que les banques ne sont pas en meilleure posture que les États actuellement en Europe, on voit mal devant l'ampleur de ce surendettement-là comment une quelconque relance pourrait relancer quoi que ce soit et d'où elle pourrait venir. Donc le problème, même avec ceux qui demandent une relance mais qui restent dans le cadre d'une stratégie d'austérité, c'est que finalement ça va tout simplement prolonger l'agonie encore plus longtemps en essayant de ralentir le rythme du surendettement. Donc c'est pas tenable non plus. Et au sein de l'Europe, quelles sont les réactions face aux erreurs? Oui, ben c'est ça. Donc comme je disais, ça a évidemment suscité beaucoup de critiques et donné beaucoup de grains à moudre aux gens qui critiquent la stratégie allemande et qui essaye de se faire entendre de plus en plus, notamment la France qui a essayé depuis l'élection de François Hollande timidement d'incarner cette axe-là, l'Italie aussi avec le nouveau Premier ministre qui vient d'arriver qui a critiqué aussi la stratégie allemande et qui a appelé à une inflexion dans ce sens-là. Maintenant, c'est pas tellement les erreurs dévoilées que les conséquences concrètement observables de l'austérité qui commencent à faire bouger ces lignes-là. Donc, qu'il y ait eu erreur ou pas, on le voit bien dans la pratique que cette austérité ne fonctionne pas et qu'elle a des conséquences catastrophiques. Mais le problème, c'est que, bon, certes, les lignes bougent, mais elles bougent extrêmement lentement. Et ici encore, on dépasse pas la critique un peu facile d'une position allemande, mais sans véritablement proposer une stratégie alternative. Donc on peut se réjouir que l'Italie ou la France hausse un petit peu le ton et qu'on se permette au moins de mettre en critique ce que les Allemands proposent. Mais qu'est-ce qu'on propose à la place? C'est vraiment pas clair, à moins que ce soit, comme je disais, l'espèce de soupe incohérente que le FMI nous sert, que d'ailleurs sa directrice avait résumé, Christine Lagarde, elle avait résumé ça par une formule qui est absolument fantastique. Elle disait il faut faire de la relance, il faut faire de la rigueur et de la relance. C'est évidemment un mot qui condense toutes les contradictions possibles. Et donc les conséquences de la stratégie allemande, elles sont évidemment catastrophiques, on le voit très bien, mais au moins c'est une stratégie qui a le mérite d'être claire et qui est poursuivie par des gens qui savent ce qu'ils font. Il faudrait qu'en face on ait une gauche un petit peu plus conséquente et qui sache un petit peu ce qu'elle veut faire, et donc on espère que ça va finalement émerger. Oui, alors on le souhaite vraiment, alors que ces stratégies alternatives là vont remplacer un petit peu les politiques d'austérité. Merci Cédric pour cette chronique qui est toujours aussi intéressante. Et on se reparle au début du mois de juin. D'accord, à bientôt. À bientôt. Alors, on est déjà rendu aux événements à surveiller cette semaine. Alors, vous avez donc le 5 mai à Montréal, place Émilie Gamelin, assemblée ouverte pour un forum social mondial 2015 au Québec. Alors, je tiens à le mentionner. Et le but de cette rencontre est d'envisager collectivement la possibilité de proposer le Québec en tant que lieu d'accueil du forum social mondial de 2015. Alors, si ça vous intéresse de participer, vous pouvez peut-être communiquer avec eux, le Forum social mondial 2015. Et la dernière édition du Forum social mondial qui a eu lieu à Tunis du 26 au 30 mars vient tout juste de s'achever avec un bilan positif et une participation de plus de 60 000 personnes. Alors, la question se pose déjà, où se tiendra le prochain Forum social mondial en 2015? Alors, l'idée d'un Forum mondial au Québec rôdait déjà dans les esprits en 2011, lorsque la Tunisie a été choisie pour des raisons évidentes. Serait-il temps de faire le saut et de tourner les yeux vers ce nord conservateur, riborné, enfin bref, donc vers le sur une idéologie qui fait des ravages partout sur la planète? Alors, c'est ce que ces gens se posent comme question. Toujours à Montréal, le 8 mai, dans le cadre de la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales, il va y avoir une grande manifestation nationale à Montréal avec un transport aller-retour Québec-Montréal gratuit avec le dîner et le souper. Plus près de chez nous, lundi le 6 mai, donc 2013 à 19h, le Nord à la croisée des chemins. Alors, c'est une soirée de la revue Relations, donc soirée Relations, une revue que nous aimons beaucoup, donc au grain de sable. Et voilà, donc ça c'est lundi le 6 mai. Et vous avez également donc le 7 mai en 2013, donc à 18h30, l'homme peut-il s'adapter à lui-même avec Gilles Boeuf? C'est un biologiste de renommée et ça se passe à l'Université Laval, pavillon Alexandre Vachon, au local 2860, donc l'avenue de la médecine à Québec. Et c'est gratuit, ouvert à tous et à toutes. Et vous avez également la conférence d'honneur du forum Développement durable et biodiversité, le rôle des universitaires. Le 9 mai, donc de 9h à 18h, 6e colloque sur la participation citoyenne de l'Institut du Nouveau Monde, Université Laval encore, où ça va se passer. Et donc, c'est repenser un petit peu les processus pour inclure les citoyens aux décisions. Alors, ce colloque propose d'explorer les processus et les dispositifs de participation des citoyens, présenté dans le cadre du 81e congrès de l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, est connu sur le nom de l'ACFAS. Alors, le colloque se tiendra le jeudi 9 mai au pavillon GA de Sèvres de l'Université Laval à Québec. Donc, pour les intéressés, voici quelques thèmes des ateliers. Participation en contexte urbain, grands projets et participation des citoyens, processus délibératif, participation, marginalité et empowerment, les effets de la participation institutionnalisée et créativité et engagement, et également institutionnalisation de la participation, le point de vue des acteurs. Alors, c'est ce qui fait le tour pour les événements à surveiller cette semaine. Alors, j'aimerais remercier Yannick Marcil, économiste, qui est venu en début d'émission nous parler, nous donner davantage de sens au concept néolibéralisme. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation, encore une fois.